rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Jules. Passez une bonne soirée, une nouvelle soirée en compagnie de Jules qui est là. Comment va? Ça va bien et toi? Alors, aujourd'hui, toujours reposé encore? Ouais, reposé, bien, bien. En pleine forme avec l'album qui est dans les bacs de Jules. Que va-t-il se passer ce soir dans l'émission? Alors ce soir, il y a des invités. Il y a Ghetto Phénomène. Donc ça, c'est ton premier groupe? Voilà, mon ancien groupe. Comment c'est le premier, le dernier. On sait pas, peut-être qu'il y en aura d'autres. Ou une reformation? Non, je pense pas. Qui sait? Je sais pas, peut-être un jour. On verra. On sait pas. Voilà, alors je les présente. Il y a Bilka, Wari, Freeze et Vizi. Et bon, on va les présenter dans un instant. Ils viendront parler aussi au micro. Tu nous raconteras l'histoire aussi de Ghetto Phénomène. Ouais. Dans quelques minutes. Mais juste avant de débuter ce Planète Rap, petit replay de ce qui s'est passé hier soir. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, à l'origine, tu devais faire un live, 5-6 minutes. Ça a tenu 16 minutes. Il y a eu des prolongations. Ouais. Ça a été du temps additionnel, très haut temps additionnel hier soir. Ça va, c'était bien. C'était bien. Bah, la preuve, on va réécouter un petit bout. On a pris un petit bout, un peu plus long que d'habitude, mais un petit bout quand même de ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Ah, d'accord. Matelas. Au soir, on craint les têtes qui sont passées sur le matelas. Même quand tu vas pisser là-bas, le surveillant te mate là. Si on s'aime pas, faut pas qu'on se cause, qu'on se croise. Fais grosse souffrance, le regard froid. Tu penses à moi, rien que ton voile. Mais j'ai pas les lobes pour sortir ma chérie. Plus le temps, faut que j'innove. Je suis sur la lune, faut que j'atterrisse. À tes périls et tes risques, chemise Burberry, tu fais un délit. Avec toi, personne délire, ils savent que tu mets des séries. Dis pas qu'on est quitte, je t'ai frappé fort sur ton dernier coup. Baisse les goûts, si tu m'as dit ma dream, tu plus de temps, faut faire les zoos. Je me languis, sur les crosses volées, calachées, mais les tous en tu veux savoir, je suis qui, ce mec de quartier qui rêve toujours du boule à chaque C'est tout pour la monnaie, ça tire dans les côtes, ou ça tire dans les mollets. Va l'en faire à d'autres, on se dit que ça arrive à d'autres. On sait rien faire d'autre, sur le beat, on est collé. Tous les petits se le foutent sur le beat, ça met des volets. On doit s'y coller, on fume pour décoller. Regarde à travers, pas trop la tête à rigoler. Je vais me péter les portes, qu'ils aillent tous se faire enculer. On la bloque, le cerveau qui débloque. Gros molard dans le bloc, on le sent les tu m'as c'est la crise au mic. C'est la crise au mic. C'est la crise au mic. C'est la crise au mic. C'est la crise au mic. C'est la crise au mic. C'est la crise au mic. C'est la crise au Mike toute la semaine. Et on va saluer aussi Kamikaze et Sosomanes qui étaient là hier soir. Voilà. Et qui sont dans le coin aussi ce soir. Ils vont être là ce soir aussi. Qui étaient en live hier soir avec toi. Le live, on peut le retrouver en intégralité sur skyrock.fm, sur leplanetrap.skyrock.com. Et avant de présenter ton groupe Ghetto Phénomène, on attaque avec le dans ma paranoïa. Allez, c'est parti, coup d'envoi de ce Planète Rap de Jules. C'est la crise au mic, mec. Planète Rap, Skyrock. J'suis dans ma paranoïa. Paranoïaque. Laissez-moi sur ma route. J'en ai plus rien à foutre. I'm me, enemy. Y'a un mot, y'a un calomnie. Et mon vif, pas le gros. Ta drogue vient pas de Colombie. Dites-moi si je suis plus le même. Dis pas que tu veux me tester. Non mais attends là, what's your name? Je connais pas les femmes mais je sais ce qu'elles veulent. C'est quand t'as rien que tu sais ce qu'elles veulent. Tu gamberges quand tu finis seul. Tu repars chez ta mère avec même pas 100 balles. Tu fais le zinger, tu coupes mal un kill. Tu fais le voleur, tu fais mal les fils. Tu fais le coinceur, tu connais mal les filles. Elles sont très très mal les filles. Je suis dans ma paranoïa. Paranoïa. Laissez-moi sur ma route. J'en ai plus rien à foutre. Je suis dans ma paranoïa. Sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Tu quittes la cité, pourquoi t'es pisté? C'est tout simplement que ta femme t'a mis au piquet. Ça y est, j'suis vidé. Vidé. Là, j't'écoute même plus. J'mets pas d'avis derrière moi, j'mets pas de pointure. En bruit, grosse pointure, parking coup de ceinture. C'est dur de se voir glisser quand le sol est en peinture. J'suis très bien quitté. Dis-moi qui j'suis. Dis-moi si je fais des fautes, des fois j'sais même plus qui je suis. J'suis dans ma paranoïa. Paranoïa. Paranoïa. Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. J'suis dans ma paranoïa. Paranoïa. Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. fou. Rien à foutre, j'tente ma chance. Je veux rentrer dans la légende. J'suis dans ma paranoïa. D'après ce que me disent les gens, j'calcule rien, j'fais ma vie. Je sais que rien n'est acquis, mais j'donne tout pour ma vie. Rien à foutre, j'tente ma chance. Je veux rentrer dans la légende. J'suis dans ma paranoïa. D'après ce que me disent les gens, j'calcule rien, j'fais ma vie. Je sais que rien n'est acquis. Tu es dans ma paranoïa. Dans ma paranoïa, c'est aussi le nom de l'album de Jul. Ce soir. Venu avec une partie du virage nord-sud du Vélodrome. Présente le 13e. Ils sont là, les poteaux. Et ton groupe aussi, donc Ghetto Phénomène. Ouais. Rappelle-nous un peu l'histoire de ce groupe. Alors, ça débute quand? Alors, ça débute au collège. Au début, j'étais seul, tout ça. Après, on a fait un concert ensemble. Après, on s'est tous mis ensemble et voilà, c'est parti de là. Hein. Après, voilà, ça, on a enchaîné les sons, tout ça. On a fait un clip aussi d'ailleurs, qui s'appelle Sensation. Et voilà. Et vous avez sorti des choses aussi? Non, ou... non, que sur YouTube, tout ça. Il n'y avait pas trop les moyens de faire des choses. Et alors, pourquoi c'est déjà la fin de ce groupe? Après. Comment vous dire, c'est pas, il n'y a pas eu d'embrouille quoi, parce que regardez, ils sont là ce soir. C'est juste que voilà, moi j'avais tout chez moi, j'ai tout le matériel, tout ça. À chaque fois, même quand je faisais les sons avec le groupe, après j'étais chez moi, je continuais, je faisais mes sons seul, tout ça. Et après, il fallait que j'aille tout droit. Après, il y en a qui travaillaient dans le groupe, il y en a tout ça. Donc moi, comme je vous ai dit hier, j'ai choisi le rap. Le travail, j'ai mis de côté. Voilà, j'en ai fait mon travail, le rap. Bon, bah oui, c'est et des voilà. Chemins. On comprend, mais Ghetto Phénomène, ils sont toujours là. Ouais. On comprend que c'est des chemins différents, mais voilà, est-ce que la structure existe toujours? Est-ce que Ghetto Phénomène existe toujours? Oui, ça existe toujours et ils vont arriver fort. Et bah, on peut les présenter, ils sont où tous? Ils sont là, prenez le mic, les gars. Venez dire un mot, rappelle-nous alors, donc, dans Ghetto Phénomène, il y a qui? Alors, il y a Freeze, Bilka, Wari et Vizi. Voilà. Il en manque un, je crois. Ouais, il arrive. Vous voulez dire un petit mot sur le Ghetto Phénomène, qui nous dit un petit mot sur l'histoire? Est-ce que l'histoire et l'aventure continuent pour vous? Bien sûr, l'aventure continue toujours. On est toujours présent, on fait du son. On est en préparation d'un gros projet. On est venu soutenir Jul pour la trap. Donc voilà, c'est que... On est ensemble et... Allez. Voilà, mine de rien, c'est que même s'il est parti en solo, vous lui en voulez pas puisque vous êtes là, vous êtes présent. Pas du tout, il n'y a rien. Y a rien. Donc ça, c'est bien, c'est plutôt une bonne chose. Bien sûr, ouais. On est ensemble. Les gens, ils vont comprendre. Après, il est parti en solo parce qu'on avait peut-être pas forcément tous la même motivation. Mais voilà, après, avec le temps... Mais vous, ça vous dit quand même de sortir des choses? Il y aura des choses siglées Ghetto Phénomène dans... Il y aura des choses Ghetto Phénomène bientôt un peu partout. On est là, on représente Jul avec Ali Gawan Industries. Voilà. Bon, il est peut-être temps alors de sortir la boîte à dossiers. On va parler de l'époque collège, puisque vous êtes connus au collège tous. Il y a trop de choses à dire. Qui nous aura un petit dossier de l'époque collège? Vas-y, moi, Jul, là, ouvre le bar, là. C'est parti. Tu es chaud? Un petit dossier. Comment? La franchise, c'est ça? À la franchise. Sur la franchise. Vas-y, sur la franchise. La franchise, c'est une salle de concert. Hein. Ouais, c'est ça. Sur Marseille. Ah, là-bas, c'était notre premier concert. Bon, même que la scène, on ne connaissait pas trop tout ça, mais on a un public. On a toujours un public qui nous suivait, qui était tout le temps chaud. Mmh. Toujours été là. Et ça fait plaisir. Ouais, c'est quel souvenir que vous avez en commun justement? C'est ce concert-là qui a eu lieu à la franchise. Ouais, il y a celui-là après. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. On a vécu plein de choses ensemble. Ça fait des milliards de sons. Ouais. Bon, des concerts, il n'y a pas eu que celui-là, il y en a eu d'autres. Bon, faut savoir mais le souvenir de ce premier concert, c'est quoi? C'est un moment de stress, un moment à la rage. On a fait à la rage tout ça. Et en fait, c'était le feu. On avait trop fait. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi ta devise, c'est un peu à l'arrache quoi. Je fais les choses. Parce que je connais mais pas. Mais sans vraiment de calcul quoi. Voilà, je connais pas trop, je connais rien. Moi, je suis arrivé dans la musique, je connaissais rien. Je connais presque rien encore. Tout en restant simple, tu vois. On sait faire les choses, on les a fait naturellement et ça a plu aux gens, c'est ça qui est bien. Faut soutenir en tout cas. Mais est-ce que là, ça va? Est-ce que tu t'habitues justement au milieu de ce qu'on appelle l'industrie musicale? Ouais. Est-ce qu'on apprend vite? Est-ce que t'apprends vite? Ouais, j'apprends vite. Mais après, à côté, comme je trace ma route, pas trop le temps d'apprendre, donc si des fois je fais des trucs à l'arrache, c'est que... voilà quoi. Bon, on écoutera. Il y aura du live avec vous, messieurs, tout à l'heure. Ouais, il y aura un live après la fin. Il y aura du live, il y aura un son qu'on va passer. Il y aura du live avec Jules. Mm. Et puis des morceaux. Un gros freestyle. Et des morceaux de l'album Dans ma paranoïa aussi. Voilà, c'est ça, faut soutenir. Faut aller acheter. Et un truc que je voulais te dire, Fred. C'est qu'aujourd'hui, ça fait 12 ans que je rappe. Et il y a des gens que peut-être qui le savent pas. Mais dans ma carrière, au moins, j'ai fait au moins plus de 700 sons. Là. En 12 ans. Ouais, en 12 ans. Plus de 700 sons. 700 sons. Je voulais le dire pour ma team Jules. Un jour, je sortirai tous ces sons. Je sais pas comment les sortir tellement. T'as tout gardé, J'ai tout gardé, j'ai tout. Et quand tu réécoutes des dossiers, mais bon. Forcément. Mais j'ai tout. Il y a plus de 700 sons. Quand tu réécoutes justement les tout premiers sons que t'as pu faire, c'est quoi? C'est pas pareil. C'est le début. C'est voilà. Là, il y a la puissance. Ça a changé. Donc il y a peut-être des trucs que tu vas rester, enfin qui vont rester dans le tiroir. Bon, non, je vais. Un jour, je sortirai tout. Un jour, je sais pas comment m'organiser pour sortir les 700 d'entrée, mais il faut que. Bah un peu. Ouais. Je vois et je le ferai un jour. Ça va te faire quelques nuits blanches. Tu veux les balancer sur le net, ça va être un peu compliqué. Non, je vais le faire. Bon, bah Jules, donc 700 sons à son actif, une douzaine d'années dans le rap avec son groupe aussi Ghetto Phénomène qu'elle a. Ouais. Ce soir, du live à écouter. Qu'est-ce qu'on met comme morceau? Alors le titre qui était plus demandé sur les pages, sur les réseaux sociaux de Skyrock aujourd'hui, puisqu'on demande chaque jour quel est votre morceau préféré comme l'album est sorti, le morceau le plus demandé aujourd'hui c'est Dans mon Del. Voilà. Eh ben on l'envoie. On va envoyer ça? C'est bon. Laisse. Allez, c'est parti, Dans mon Del. De Marseille à Paname. Regarde comment on déboule, ta soeur collée aux boules. T'as reconnu, sous la cagoule des Jules. Mais pas trop le feu, ça sent le poulet. Le ciel est bleu, mais je sors cagoulé. Je nique ta taronne dans la foulée. Vous êtes tous des guerres foulées. Oh, tiens que ça sent la crise quand même. Les flics te fouillent, te disent le compte à ta mère. Mais pourquoi je suis pas sur une onde d'amère? Rien à faire et on s'en fume à l'air. Arrête de dire non, tout le monde t'a reconnu. Putain, j'étais pas comme ça quand je t'ai connu. En ce moment, je vois le buzz, mais j'essaie de garder ma tête. Tu me parles de gros brinks, ça fait que des papes. Tu me parles de vie dans ton grand village. Tu restes à l'ancienne comme le Mofilan. Tu laisses les cheveux longs, genre la mode italienne. En bas de chez toi, t'as gagné le Cayenne. J'avais pas compris pourquoi j'avais taillé. Casque intégral, tu t'es dit ça y est. Sans pas stresser, j'ai vu ta mère tout à l'heure. T'inquiète, le pacte, je te l'envoie à l'heure. Y'en a qu'une que j'aime forcément à moi. Tu crois que t'es le plus fort que maman. Et je savais que t'allais te sauver. Désolé, mais au pitié, je suis collé. On n'est pas des voyous, voyous. Des toxicos. Gros mytho, il est ton hélico. Tête de Corsico, je traîne avec Bico. Je veux taxer la France comme l'a fait Nico. Du shit, ça veut en parler, parler. Vous faites péter, nous on s'en parler. Uvette, fumette, un plan arrive en survette. Soufflette, on est là pour ton cul, pourquoi tu rouspes? Je me lève, je sors, y'a Tigger. Prends ta survêt, maman la Tigger. J'suis tranquille, j'suis cool, mais faut pas me berner. J'écoute, j'ai méchante, mais j'peux pas cerner. Ça coule le sang, faut les interner. Fermez vos gueules, j'arrive cerné au studio, les yeux presque fermés. C'est pas mon dernier sang. Alors le sang, c'est quand t'as permission. Tu grandis, t'oublies, tu vis, tu perds tes sauces. Suffit d'un coup, gros, pour faire des gosses. Suffit de faire le fou pour se prendre un coup de tronche. J'ai pas la carrure, Greenway, ni l'ancienne Harry Cross. Au sud d'un fond, fond, j'suis calé. Sur les chemises, là j'ai dégalé. Ça sert à rien de parler. Allez, jette-moi là, mais j'vais te chaler. Fais tes boys, mais faut pas chialer. Quand t'allais pour moi, j'allais. Ça met la scène sur le jarré. Avant le bravo, ça fait la boule à zèle comme j'allais. J'ai avé la honte au palais. Tu vas rentrer la pousse au palais. Que tu rates, mais tu fais rien, ta bête. Fume, ma crise au moins gravée sur la plaquette. Finir au chantier, t'as fait dans le placo. J'ai entendu que les civils ils veulent ta peau. J'ai branché des femmes, j'ai mangé des râteaux. En fait, je voulais rentrer avec mes sépagos. J'suis pas trop pauvre de mer, caviar et pago. Vodka, air, bon détour de tago. J'ai branché des femmes, j'ai mangé des râteaux. En fait, je voulais rentrer avec mes sépagos. J'suis pas trop pauvre de mer, caviar et pago. Vodka, air, bon détour de tago. Je veux jusqu'au cul, j'suis obligé de l'incer. J'regarde ta femme, man, faut pas te vexer. Partout comme une petite souris. Crise au mic, mec. Crise au mic, mec. C'est Jules. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez attraper un Parisien qui vient de l'Afrique, qui s'est glissé dans le studio? C'était bien tenté, Fab. Bon courage pour la fin de soirée. Bon courage avec tous les Marseillais qui sont ici dans le studio. Jules est là avec son album Dans ma paranoïa. Il y a la petite question aussi pour repartir avec le CD dédicacé. Question simple, si vous suivez Jules, l'actualité de Jules, si vous suivez depuis le début de semaine le Planète Rap en lundi, de quel quartier de Marseille vient Jules? La paternelle. Ne dites rien pour l'instant. De quel quartier de Marseille vient Jules? Et puis on l'a pas dit aussi, mais c'est vrai que Jules, t'as aussi des racines corses. Ouais. À l'origine. Ouais. D'origine corse. D'origine corse, ouais. Mm. Donc débarqué à Marseille. Ouais, je suis né à Marseille, mais t'es né à Marseille. Famille en Corse, tout ça. Tu vas régulièrement. D'ailleurs, un gros big up à eux, à la Corse. Ils étaient présents à mon concert. Plutôt nord, plutôt sud. Plutôt la Corse. Plutôt Figatelli, Lonzo. Figatelli, Lonzo. Au pas un petit peu. Un peu de Saint-Georges. Un peu de FLNC aussi. Bon, en tout cas, si vous avez la bonne réponse à la question de quel quartier est Jules, vous la balancez. C'est parti là. 41759, le hashtag Jules sur Skyrock. L'un ou l'une d'entre vous va repartir avec le CD dédicacé. Laissez bien votre prénom et numéro de téléphone 41759. Tota, tu es au bas. Qu'est-ce qui se passe, Tota? Tota, c'est quoi? C'est ton producteur, c'est le patron du label Liga One? Tota, c'est la base de Liga One. Voilà. Voilà, mais c'est sinon... quelque chose à dire, Tota. Non, c'est pour mon fils Badjis, parce qu'il est plein de gadgets. Il veut être plus bon sur son Facebook. Badjis Stifleur. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon, Badjis. Tu connais tout le monde. Ibrahim Torres aussi, voilà, Ibrahim Torres. Christine aussi, et mon neveu Eji. Et Anna, voilà. Bon, ben je crois que les dédicaces sont passées. Et tous ces gens-là, Pointa. Bon indice pour la question que j'ai posée quelques minutes. Jules, wesh. Tout à l'heure, il va y avoir un live avec ton groupe Ghetto Phénomène, ils sont là. Voilà. On mettrait pas un petit morceau dans ma paranoïa au quartier, par exemple? Au quartier? Je sais pas, non? Quand là maintenant? Allez. Ça vous va pas? Il y a un problème? Quartier, y a de la vente d'armes, les petits jouent les ventes d'armes, soulevez pas, y a pas de problème, les gens d'armes, dur de vie, moi j'en parle. Ok, une petite dédicace à Adji. C'est la crise au mic, mec. Une petite dédicace à Malik. C'est la crise au mic, mec. C'est la crise au mic, mec. C'est la crise au mic, mec. C'est la crise au mic, mec. C'est la crise au mic, mec. C'est la crise au mic, mec. C'est la crise au mic, mec. C'est la crise au mic, mec. C'est la crise au mic, mec. C'est la crise au mic, mec. C'est la crise au mic, mec. Ok. Dédicace à Gilaluine, Barabas, Asjin, Amada, Wassim. C'est la crise au mic, mec. Petite dédicace à Shmeta, à JP du 2B, okay. À Lamine, Amika. Amika, c'est la crise au mic, mec. Amika Lingé aussi. Dédicace à Skiz, à Kurt, Nono, Pushka, Soso Z, Demoa, Schlagdar, Sharky, Tio, Karim, Chistek, toute ma famille, mes frères, mes sœurs. C'est la crise au mic, voilà, mec. C'est la crise au mic, mec. Et c'est toujours le mic toute la semaine entre 20h et 21h. Le morceau qu'on écoute à l'instant s'appelle Au quartier. Il y aura du live avec vous, avec le groupe Ghetto Phénomène sur Skyrock. 41-759. C'est dans un instant, bougez pas. Planète Rap de Jules, les questions, vous les balancez aussi au 41-759. Il y a des gens qui veulent savoir si tu vas venir du côté de Perpignan, si tu vas jouer à Lille. Il y a des gens qui veulent savoir si tu vas aller dans le nord de la France et tout. Pour l'instant, les dates qu'on peut annoncer, c'est vendredi. C'est vendredi, là, à Paris. Le White Dream à Paris. Et dimanche, le bazar à Marseille. Donc à la maison, à domicile. À domicile, on va foutre le feu. En plus, c'est les vacances aussi pour les Marseillais, non, je crois. Je sais pas. La semaine prochaine. Mais ce que je peux dire pour les gens de Lille, tout ça, là, je vais essayer de faire tous les recoins de France. Je sais pas s'ils m'ont déjà entendu, je l'ai déjà dit dans un interview. Je vais essayer de passer dans tous les coins de la France. Donc chacun il va avoir son. On va ressortir le camping-car. Ouais. Comme à l'époque. Voilà. La petite tournée. Non, c'est vrai que t'as envie de te balader là, durant même tout l'été, enfin dès que ce sera possible. Ouais, je vais regarde, ils veulent te voir à Toulon, à Mulhouse, à Montpellier, à Metz, à Troyes. Je vais essayer de passer un peu de partout. T'as pas mal de boulot hein, sur les prochaines semaines. Ah, c'est pas grave, c'est le travail qui paye. Bon, on écoutera un autre morceau de Jules, il y aura du live aussi dans un instant. Et puis le son de DJ Snake qui arrive avec Lil Jon, c'est dans un instant. Tous les soirs sur Skyrock. Hey, oui, hey, LGP. Et bah, a priori, c'est un son que les Marseillais apprécient, celui de DJ Snake avec Lil Jon à l'instant. C'est ce qu'on écoutait dans Planète Rap. Tu pourrais poser dessus, toi. Ouais, à l'aise. Ça à l'aise. À l'aise. Facile, pépère. Jules, notre invité entre 20 et 21, dans un instant, il y a du live qui se prépare. On mettra aussi un autre morceau. C'est lequel? C'est Malade qu'on met? Allez, on envoie Malade. Dans un instant, juste avant, je te présente, c'est Geeks de Moisenet. Moisenet. Voilà, c'est ça, salut, ça va? Ça va, Geeks? Ça va, tranquille. Je te présente Jules, notre invité. Ah, je croyais que c'était une marque de prêt-à-porter. Ah bah non, écoute, tu vas voir. Geeks, t'es prêt à rapper? Vas-y. Allez, c'est parti, session freestyle par téléphone, on y va. Yeah. Geeks et Cotrice. Yeah. Yeah. Ça vient des tripes. Quand on pratique les go-trips, mon équipe c'est co-trip. Quand on débite les go-tips, je me fais pas pincher que les wacks. On perd une scénar, si le rap ça fait peur, demain je vais gémir le Sénat. Je lâche une rime faiblard, c'est que j'imite Sénat. Si je m'explique, pourquoi moi, demande à Jimmy Sénat. Rappeur aux antipodes, depuis peu dans le hip-hop. Toi tu laisses que des microbes sur le filtre anti-pop. J'écris dans un sous-sol, ça m'empêche pas de vidéo. Si tu veux voir les choses en branche, t'envoies ma bite en vidéo. Et pas tant que t'es partante, je te fais des ma grande. Je suis pas dealer, tu veux de la fée. T'auras des fers à l'gant, si tu me fais une barrette. Et sur le pif je m'évade, mais aussi je m'en balèque. Donc ma vie je l'étale, une espèce pas nette. Je suis tout seul pour ma planète. Même si tu vois mes paroles, je suis molard dans ta canette. Yeah, qui c'est que trip. Ok Geeks, à l'instant freestyle, merci à toi. Ouais, j'ai pas super bien entendu l'instru, mais ça va. Je peux te dire un truc vite fait? Vas-y, on t'écoute. Bon, en fait, on fait un concert à Étampes le 3 mai à 20h. Soyez au Stendhal pour les auditeurs sur Étampes. Sinon, il y a mon projet que vous pouvez shooter sur ma page Facebook, Geeks Eco Trip ou Geeks sur la page. Et sinon, bah, dédicace à mon groupe Ecotrip, à tout moi, venez aux gens de BSS, Juju, tout ça, qui est le bâtard. Merci voilà. À toi, Geeks. Vas-y, bonne Salut. Soirée. Passe une bonne soirée, Jules, notre invité, et le morceau qu'on a promis, c'est Malade maintenant. Malade. Je descends chez moi, je vois les petits charbonnés. Et vu ma life, est-ce que le bon Dieu pourra me pardonner? J'ai vu des frères virer, j'en ai même vu à la banque. Excusez-moi mon Dieu d'avoir revendu la drogue. Je vois des millions de 16 ans se balader avec des glocks. Une seule idée en tête, c'est charbonner dans le bloc. C'est tout dans la dégaine, plus de respect que ça dégaine. Youma protège mes frères, la cocaïne dans les veines. Je compte sur peu d'amis, je traîne avec pourri chez le doc. Y'a le frérot Gaga qui me dépanne toujours des chocs. Je crois en sauce au manesse, kamikaze et tout la bloc. Mec, j'ai pas changé, c'est toujours du rap des blocs. Sur l'autoroute en phare, non, y'a les condés, dis pas de prénom. Rien que ça fume le bon, malade comme tu touche au charbon. J'suis malade, me quitte plus rien, j'vis ma life. Toute la night, j'suis déréglé, j'suis rabat. Malade, j'vois les petits rabattes. Les voitures de la batte, et des hommes qui s'abattent. Malade. Les voitures d'abac et des hommes qui s'abattent. J'suis malade, j'ai vu mon frère rentrer. Malade, j'ai vu ma mère pleurer. J'peux vite finir éganté. Ça dépend qui tu vas fréquenter. J'ai regardé la lune, la tête dans les étoiles. Une barre, je fume et je pense à toi. J'suis malade, j'te sentis, moi j'vois les petits charbonnés. Et vu ma life, est-ce que le bon Dieu pourra me pardonner? J'ai tant donné. On m'attaque et je me suis cramponné. Toi j'aime bien les boîtes pour y tamponner. Tu te magnifies, toi t'attrapes des cramponnés. Cramponné, cramponné. Malade. Plan foireux, ça se finit en balade. Malade. Je suis malade, me dis plus rien, je vis ma life. Toute la night, tu déréglé, je suis rabat. Malade, je vois les petits rabattre. Les voitures de la BAC et des hommes qui s'abattent. Malade, me dis plus rien, je vis ma life. Toute la night, je suis déréglé, je suis rabat. Malade, je vois les petits rabattre. Les voitures de la BAC et des hommes qui s'abattent. Ok, ok, une petite dédicace à Jaco et Toutou. Vie d'allocation, une petite dédicace à Houssine, Baby Boy, Maxime, Amada, Wassim, Gilles, NB, Angie, Pif, Noré, Obams, Badjo, Moubarak, Skiz. Une petite dédicace à La Pointe, au petit séminaire, Flamand, Fonvert, Picon. Une petite dédicace à la prison des mineurs à Luynes, à la Valentine. Une petite dédicace à Luynes aussi, au Ponté. C'est la crise, oh Mike, mec. Mec, c'est la crise au mic. C'est Jules, notre invité, avec son groupe dans un instant Ghetto Phénomène en live. Mais juste avant, réponse à la question que j'ai posée il y a quelques minutes. De quel quartier de Marseille vient Jules? La réponse nous est apportée par Mehdi de Saint-Etienne. Allô Mehdi. Allô. Ça va bien Mehdi? Ça va et vous? Ouais, ça va. Ça va et Kif? Bah écoute, on peut pas. Tranquille ou quoi? Je suis Jules. Ça va Jules, la classe album. Merci frérot. T'as récupéré. Ah, y'a mon frère, il veut te dire un truc. Ah, attends, Mehdi, deux secondes, Mehdi, deux secondes. Donne-nous la bonne réponse, s'il te plaît, à la question que j'ai posée. C'est Saint-Jean-la-Pointe. Saint-Jean-la-Pointe, tu confirmes? Ouais, je confirme. Voilà. Marseille. Et bah, Mehdi, album dédicacé de Jules qui arrive à la maison. Ah, ça fait plaisir. Bon, passe-nous le frangin. Tiens, Yannick. Allô? La classe, Jules. Ouais. Ah, c'est le petit frangin. Ça va bien? Le petit frère. Il s'appelle comment le petit frère? Yannis. Eh ben une dédicace à toi et à Yannis Mehdi. Ok, merci. Ouais, gros big up à vous. T'as un petit mot à ajouter, t'as un truc à dire ouais, à Jules. Je vais faire une dédicace vite fait. Vas-y, vas-y, vas-y. Bah déjà une dédicace à la petite famille, hein. À tous les potes, au Rive de Gier, à Florian et à Amandine qui viennent demander une dédicace, non? Et voilà. Et Jules a acheté l'album, hein. La crise au Mike Mec. La crise au Mike Mec. Merci. Merci à toi, Mehdi. Passe une bonne soirée. Et tu vas passer une très belle soirée, puisque maintenant il y a du live. Jules, si tu es prêt, si Ghetto Phénomène est là aussi. Bon. On va laisser le boulot au début à Ghetto Phénomène. DJ Case est au platine. Coup d'envoi. En direct de Skyrock. Flic in ghetto, ghetto, phénomène, ghetto, phénomène, aïe, aïe, aïe. Ghetto, sort phénomène, ghetto, ghetto. Yeah. Je défends la flamme, j'ai l'écran depuis Minot. Rip, flic, il hole. De l'or des sous, il vole. Fuck, sors pas, y'a les flics in hole. Je défends, j'attaque, j'ai l'écran depuis Minot. Au réseau, rentre la bac, et ton flic in hole. De l'or des sous, il vole. Fuck, sors pas, y'a les flics in hole. Je suis pas de Paris, comme Ferrari, on traite par terre, Ferrari. Ex-sa mère, Ferrari, dans un autre monde comme Ferrari. T'as 5 piges pour faire un prix, t'as pas 5 piges pour faire l'achat. Mais tu fais que tirer des rails. Les trains, t'es sur ça parle des cas. Je vis que pas sous cas. Quand t'es pas de pente, que t'as tu t'as tête. Sous bazooka. Crise ou pas, des pistes ou pas, ça prie tout pas, Ghetto Phénomène ma gueule ou pas. Je défends, j'attaque, j'ai les gros depuis Minot. Au réseau, rentre la barre, il faut flic in hole. L'homme faut plafond, des plaques de l'or, des sous, il vole. Fuck, sors pas, y'a les flics in hole. Je défends, j'attaque, j'ai les gros depuis Minot. Au réseau, rentre la barre, il faut flic in hole. Il vole, fuck, sors pas, y'a les flics, une bonne. Pas personne, je fais du vent, y'en a un stock. Du regard, qu'on braque, tout le monde d'accord. Qui se ramène, j'ai pas peur, dans le rap à mode. Intrusion, tu rap ou tu papotes pour les bad girls. Conclusion, j'ai la haine, j'suis la garde, j'frappe les strisions. Plaisir, coca, putain de sang de fuck. C'est sûr, ok, c'est sûr, looker. Les flics dans le bloc. Le sommet, c'est dur de la terre. Depuis le bâtard avec la perche, tu peux l'attendre. Sonner, voler, voilà, payer, jouer. Le pénès, pénès comme un con, tu le fumes. Un dédicace à tous les ghettos de France, la famille. Hugo, le français, Herbel, les stars, Marseille. Ah oui, dans toute la chambre, il est mort. Phénomène du ghetto, ma gueule. Sors pas, y'a les flics, il vole. Je défends, j'attaque, j'ai les trois depuis Minot. Au réseau, rôde la barre, il vole. Dans le faux plafond des plaques, il vole. Fuck, sors pas, y'a les flics, il vole. Moi, le manque le haut. Comme les dents de rousse, on défense et on est tous d'accord pour clamer ton tuto. Je sais que je t'agace, caca gauche, j'agace, j'agace. De cas ça sera pire dans j'agace. Yes, pour les liasses, pour les piliers. Ça freine ton corps comme une image, tu finiras vite oublié. Posé sous le sky, demande à point sky. J'ai un homme, toi beau crier, tu n'es pas taille. Une taille de dame, oiseau et comme le douche, ça me donne des ailes. Y'a le flic in all, alors vite déploie des ailes. Je défends, j'attaque, j'ai les gros depuis Minot. La fin se rôde la barre, il me fait in all. Ce soir net, rap dans ma paranoïa. JKMDG, MOH, la qui, mes cousins, enfermés. Momo, lac d'armes, j'ai du Paris 2014, ça arrive lourd. Dédicace à Alia, Yasmine, et Eliane de Manos, et Marwan de Vitron. C'est la crise, oh my. Flo, j'ai allez les chefs, il m'a écouté. J'y vais, j'y vais. Freestyle. Ah, attention. Malade, ça reste malade. D'où je viens, on en a pas, on veut acquérir. Où je vais, je ne le sais pas, mais je vais atterrir. Oh, atterrir. Oh, atterrir. Oh, où je vais, je ne le sais pas, mais je vais atterrir. J'ai payé 8 ans. J'ai payé 8 ans. J'ai payé 8 ans. On arrive en monteur 8 ans. J'ai payé 8 ans. Ah oui, j'ai payé 8 ans. Ah oui, j'ai payé 8 ans. Marseille debout, vous allume, vous tombez. Ah oui, vouloir tester Lyon du Camer, boy, t'es pas né. Y'a des balances dans le club, déchirez-les. J'ai payé 800, prêt, coupé de numéro. J'ai payé 800, je pose sur le beat comme un félix. Débarque dans la street comme John Rockefeller. Mini minimum, on est best. Ghetto fait nos best. Qui veut venir nous tester? Mini ville de Vichy sur la porte de Kiki. Ghetto phénomène, boy, c'est la grosse poitrine. Petite pute, pour qui tu te prends? On est venu tout baiser dans le game. Sans t'en dis pas, j'en dis pas plus. À petit pas, on arrive au degain. Yeah, yeah, yeah. Sois motivé pour le casser, le GP n'aie pas peur. MC, pour toi. Yeah, en GP 800, j'assure. Oui, j'ai les dents, mais j'ai pas les ronds. On m'a dit, même un chien ne vend pas les rots. Je les kidnappe, ils sont m'a mis dedans. C'est le GP 8, on atterrit haut. On atterrit haut, j'en mets gay haut. Les rumeurs, tu les lances, mais tu les nies haut. Oh, petit con, pour toi c'est piquant. Sans ta robe de pute, tu flippes pour les petites connes. MC, on va leur mettre, c'est la King Kong. Y'a plus rien qui compte. Je vais le parchoquer, le choquer, celui qui me colle. GP, ouais, gros, on fait la diff, on est dans tous les baladeurs. Avec le temps, j'ai mûri, la concu a pourri. Ne sois pas jaloux, c'est dans le sens baladeux. GP, 800, truc de malade. GP, 800, truc de malade. C'est mon ami, à ma looker, bâtard. On a malade. Je ne sais pas, on va atterrir. Où je vais, je ne le sais pas, mais je vais atterrir. Atterrir, où? Atterrir, où? Où je vais, je ne le sais pas, mais je vais atterrir. GP, 800, GP, 800. On arrive en moteur 800. Ah oui, j'ai payé 800. Ah oui, j'ai payé 800. Ah oui, j'ai payé 800. On arrive en moteur 800. Que ma quelle est on te prend le lait, tu vas t'affoler les. Yeah. À la queue le dans tout ce qu'elle est le ou des filles bien modelées. Yeah. Que ma quelle est transaction de lait. Si t'essaies de me mêler, ratata, la fagne t'es dans le lait. C'est soi-disant que ça déterre me font rire. Gardez le malin. Si je trime bien aujourd'hui, c'est pour demain récupérer les mollets. Visionnaire ambitieux, je veux tenir les manettes. J'en suis mes vicieux, l'esquive le meneur. Demoiselle finie, mais tout dans le cello. On se connaît depuis petit, mais tu finis solo. Trop gens me défient ton caractère de salaud. De trop gens, je me méfie, possible que tu finis solo. Passager, le projet va te raqueter, la guerre est présagée. J'ai payé 800, c'est conseillé au personnager. MC, je suis sans bloqué pour vous faire déménager. Les rues de ma ville, même le savoir est calibré. Même nos bandits sont blindés, diplômés de la rue sur qualité. T'as pas idée, on mise tout sur la qualité. Tu peux que nous valider, le produit n'a pas d'égalité. Je propose les pères, on propose les pères, on propose les pères. On va y aller baiser, on s'en tape de toute ta base. J'dis plus me lève parce que ça couplet je vous mange. On vous attend juste parce que ça couplet nous manque. D'où je viens, on en a pas, mais on va guérir. Où je vais, je ne le sais pas, mais je vais atterrir. Atterrir, atterrir. Où je vais, je ne le sais pas, mais je vais atterrir. J'ai payé 800, j'ai payé 800. J'ai payé 800, on arrive au moteur 800. J'ai payé 800, j'ai payé 800. J'ai payé 800, on arrive au moteur 800. J'ai payé 800, j'ai payé 800. J'ai payé 800, on arrive au moteur 800. J'ai payé 800, j'ai payé 800. J'ai payé 800, on arrive au moteur 800. Dans ma paranoïa, toujours dans les bacs. Ok. J'fais du sang pendant que tu dors. J't'évite quand j'vois que tu dors. J'travaille ma plume sans ça, j'vois pas ce que j'aurais pu faire. Pas le temps pour les miss, pas du genre à offrir le bouquet. Si j'veux à l'heure qu'il est, j'me barbaisse pour 1000 bata bouquet. J'ai vu des scènes de fous, des photos armées sur des stunts. Des grands dormir pendant que les petits braquent même tout skunk. Et j'oublie pas son cellule, même si j'peux pas tous les aider. MC, j'vois que tu simules, tu fais le plein mais t'es endetté. caisse est trop comme je suis déter. Devant ma tête faut mon pète. Sur le cross-volley du terre-terre. Cadre même les pieds sur le pot de compète. On veut tout prendre mais on est en pète. Tout le monde veut être en tête. On a bien formé notre équipe. Autour de moi pas quoi en traître. Rien du tout, sors pas ton arme. Rien que ça en tête. Tout le monde veut des dollars. Rien que ça en quête. Yeah, Kamikaze Boto. Kamikaze Boto. On avance pas, on fait que patiner. Gosse élevé à coup de martini. Martini. Du shit, pas du beurre qu'on va tartiner. Peu de la bombe, on va t'enfiler. L'argent facile nous a fasciné. Graine rasée, t'es cramé, t'es calciné. Ça rafale plus en Marseille que dans le ciné. Demande à Jules, c'est le 1-3-5. J'fais du burn comme le 6-35. J'suis à ton âge, j'en ai 23 zen. Tu vois pas qu'à lâcher le 6-35. Califard Corse, c'est les quartiers nord. Hein, quartiers nord. Ok, ça fait. Yeah. Je rentre dans le beat sur ce son poteau, on va tout casser. Chérie, viens voir à ma table qui t'es jolie et bien dansée. Toi tu cours sur place, nous dans la street on a avancé. On a bossé dur et de l'argent on en a amassé. Oui, mais pas assez, oui, mais pas assez. Dans le game en gros bolide, bande de poteaux, laissez-moi passer. Substraction, gros chargeur munition, ça plonge plus de 10 fois. Dire les choses, faut le faire. Ouais. Pour réussir, peut-être faut être déter. Ouais, s'en sortir, on est trop dur comme fer. Fais les choses toi-même au lieu de les faire faire. Si tu fais une bonne affaire, faire. 7 jours par semaine, les frères serrent. On se méfie plus des poteaux que dans l'adversaire. On fait le nécessaire, la bonbon te sert. Pour moi, le RAP est secondaire. 5 dans la caisse, ma liche, on se sert. Pour plus d'inspi, faut un secondaire. Un concert, je reste des postérieurs. Dans le circuit, j'ai pris l'intérieur. Déterriable, peut-être supérieur. Si tu me jalouses, c'est que t'es intérieur. Grosse frappe extérieure, pleine lunette. Rien à foutre dans la fumette, hein. Ok. J'ai le peu de joie, alors on se lâche comme ce mec du quartier qui nous appelle dans un flash. Ta carotte en entourage, faut que tu te caches, pourtant c'est l'orage. Oui, tu te gâches, ils veulent tous la calache. Et un gros décalage pour le bif, ça t'allume. Rien ne compte même pas l'âge, rien ne compte même pas l'âge. Trop de rafalage sur ton corps, l'emballage, t'avais tous mes palages. La jeunesse déraille, cagoule, braquage, plus être 09. En boîte franco, il bicrame des rails, il veut des euros, pour lui c'est le bonheur. Je pénis mes archi, déter, fais-le. Tu parles d'arrache et des têtes, fais-le. Tu leur dois pêler, tu passes pas les délais. Arme de guerre pour ton destin est scellé. La vie est salée, oui, très salée, c'est plus une 40 dans le cul, là c'est emballé. L'état nous a étalé, enroulé, jeté. Ce fut une trahison pour plaisir. Je t'ai mis une minute d'une attention pour se faire péter. Du coup de foudre pour tomber l'offre d'une putain des bons coups. Pour sortir le GT, des bâtards de flics pour dormir au 8ème. Ouais. Ghetto phénomène. Ok. En direct de Paname, je suis die. Viens nous tester si tu crois que t'es die. Die. Vas-y, vas-y. Vas-y, GP. Oui. Chiki Thug. Chiki Thug. Oui, on est Thug. Oui, on est Thug. Busy. Trop de jaloux dans le périmètre. Mais ha, ils vont périr, mec. Pour accompagner leur pas d'ancien. Yeah. Le 9 mm, Bico, affaiblé par une schneck. Ah, ici les schnecks, mes secs. Son pour la tournée dans les caves du check. Quel check, si tu touches à mon cheveu, cabré, gâte, Chico. Chico. Tu buzz, après t'iras chercher bonheur comme Chico. À l'aide, Chico, je te graille comme mon chicken. Chico, on parle pas trop. J'ai quitté, on laisse les meilleurs check à checka. Mec. On vient des blocs. Résiste là où il se passe des choses glauques. Hésite pas à sortir le hack. Hack. C'est une main road, casse en podcast, my nigga. Oui. Sur le net, je vais te mettre le micro dans le cul, tu vas me dire si t'as mal. Moi j'évite les focus, la focus dans le route. Ok, avis à toi qui me critique sur le net. Je vais te mettre le micro dans le cul, tu vas me dire si t'as mal. Moi j'évite les focus, la focus, la routine. Pour toi dans le check, les gars, tu quittes en pyjama. Kilo Ketama, y'a l'équipe et moi. Ils vont faire que t'as pas attaqué Walkie Back. Non, respect à ceux qui parlent pas, ceux qui trempent pas. Parce que le jour que t'as sorti, ça va te niquer tes mots. On fait comme un peu des thunes, on se plaise pas. Si je te calcule pas, si tu vénères, parce que je t'aime pas. Dis-moi les choses en face, ne te gêne pas, ne te montre pas avec moi. Parce que tu vois que tu t'aimes pas. N'est pas me grimper si tu n'es pas au niveau. Me demande pas de fils, si je suis pas le rival. Il faut que je représente pour ma team. Joule, reviens cagoulé, il va te faire entrer le physio. J'en ai marre de toi, rabatte au pipo. À la tête pour ça que je t'évite, me teste même pas. Je suis un renard comme Pipo dans les arrêts. Juste te fais gagner toute l'équipe. Tu peux te réfugier, all eyes on you. Je te mets la famille en bruit calom. Et on fait du rap, mais je demande où allons-nous. Je me balade dans le 13, all eyes on me. All eyes on me. All eyes on me. All eyes on me. All eyes on me. All phénomène. Arrête, tu viens. Vas-y, vas-y. L'équipe de Kaira qui débarque à mille. Les miss nous courent après, toi tu cours après les miss. Le rap de Marseille, on sait qui le mac. Je fais du poulot, poulot. Les gars de qui débarque à mille. Les miss nous courent après, toi tu cours après les miss. Le rap de Marseille, on sait qui le mac. Je fais du Bernard Tapie, on va être qui le mac. Toi tu rappes pas, j'aime quand je te colle pas. Chop, t'as les scènes qui pètent, c'est plus du rap, c'est de la marche. Nouveau style, nouvelle phase. On débarque à 10 000, ramène toutes tes fans. Nouveau crime, nouvelle balle. Autour de nous que des animaux en cage. Une chatte ça peut faire des chiennes, prostituées. Quand je pose, prends les jets en otage et la prod là, je viens de la tuer. Je viens de la tuer. Tu, phénomène du ghetto, ma gueule. 2014, ça arrive. Pour la place, Freeze. Vas-y, Freeze. Vas-y, Freeze. On vient tout briller sur les cleanness comme tes billets. R.I.P.O. MC claque ghetto fait, viens prendre le rôle. R.A.P. depuis l'époque, sur le beat, y'a R.A.S. C'est la crise au mic, mec. C'est la crise au mic, mec. C'est la crise au mic, ok. J'ai pas le temps de dormir, je te représente ma ville vite. Là, c'est Jules qui rafflique, pas la fille, je te connais, je t'ai connu. Depuis que je rappe, tu me colles, moi je t'évite. Ouais, là, tu es loin dans la file. Viens, on check, c'est la zim, ce qui m'anime, c'est malasique. Quand c'est Jules, c'est magique, j'ai fin de victoire, fin de monnaie. Tu trahis vite, toi, oui, on te connaît. Tu dois balancer, n'hésite pas, t'as peur de joler. Frérot, me dis pas ce que je connais. Frérot, me bip pas, t'es pire que cramé. Non, mais sans déconner, en plus, y'a que des commères. Jules, y'a de la bombe sommaire. Les pleurs de nos mères font plus peur qu'un tonnerre. Trop longtemps que tolère à la recherche de dollars. Les petites mentes sont tous en colère. À la rue, je marque l'histoire comme voleur. Dédicace au braqueur, carteur ou voleur. On m'a dit, Jules, fais gaffe aux colères. Ils peuvent te faire tomber, même si t'es grand comme colleur. T'as fait un soleil, je rencontre mes sous avant de trouver le sommeil. Les Schmitt passent dans tes cars comme des héros. Ces fils de pute te font des prises de sommeil. Faut que je reste honnête parce qu'ils veulent me connaître. La pâte à fond vert, tu connais la connecte. Viens pas me gratter, je suis pas ton collègue. Dédicace au gator, à ce qu'on fait nos relèves. Vroom, vroom, t'as reconnu l'engin. Pour ça que tu viens parler comme si t'étais mon frangin. Me dis pas qu'est-ce que j'ai, t'étais qu'un étranger quand j'étais un chien. Ça se fait la guerre, ça parle un peu et en chien. Se casse le cœur pour un beau déhanché. À la recherche d'une pour quand on tasse. Pas la fille, bien un peu de votre quand casse. On tasse pour t'aller dans les tropiques. Pourtant je t'écoute, t'es ma copie. Maintenant que je fais mon best, les filles viennent me parler comme si c'était toutes mes copines. Mélange de shit de peu de nicotine. Faut qu'à fond maton et t'es nicotine. Tu dis qu'elle c'est ta femme, ok, mais moi je l'ai vu se faire charger avec ses bottines. Faut-il vraiment qu'on se tire dans le dos? Viens voir où je traîne, ça fait comme dans Blo. Marseille c'est chaud, les gens sont des terres. Imagine tu réunis Pablo et Django. Ramène ta folle, je fais danser le tango. Un peu de muscle, il me fait le Rambo. Ça vole en kango, RDV au wrestler. Pour bien manger, ben faut bien le kangou. Ça te nique en douce, dans ton dos ça fait le boss. Je fais un peu de tout, je peux pas me saper boss. Je peux pas me saper boss. Le live à l'instant avec Jules, avec Ghetto Phénomène au micro aussi. Merci à vous tous. La crise au mic. DJ Kate était au platine et juste avant de te dire au revoir, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. Tu as gagné ton iPad mini, des places de ciné babysitting, plus ta compil Planète Rap 2014. Avec Julie de Limoges, ça va bien Julie? Ça va et toi? Bah écoute, en pleine forme, gros live à l'instant avec Jules et son équipe. C'est ça. Et toi, bonsoir à tous. Et toi, Julie, tu vas faire tourner la roulette. C'est ça. Bonsoir à tous. Bonsoir, Jules. Eh ben, il est là, attends. Et... Jules. Jules. Viens dire bonjour à Julie, là. Il est déjà parti. Alors, Julie, ça va quoi? C'est pas grave. C'est Julie. Alors, Julie, bien ou quoi? Ça va et toi? Ça va, super. Allez, dès que tu veux, tu dis bon, stop, c'est parti. La roulette tourne. On peut y aller? À quand tu veux. Ça, c'est un stop familial, ça. Julie. Waouh. Oui. C'est un gros stop. Oh là là. On a fait... Oh là là, Julie. C'est un gros stop. La totale de chez Total pour toi. Oh, merci. Merci Total beaucoup, Claire. Alors, attends. Quand même, je dis, il y a la compil Planète Rap, la clé USB qui va avec, les places pour film qui est dément, qui est sorti aujourd'hui, Babysitting. Allez mater ce film. Il est en train de faire un carton. Allez le voir. Il était ce matin, d'ailleurs, un petit coup de fil de la bande à Fifi, de Philippe de la bande à Fifi, qui était avec D-Fool ce matin. Et Julie. Oui. iPad mini qui arrive à la maison. Merci Skyrock. Et bon, on t'envoie tout ça. Qui c'est qui pleure derrière? Qui c'est qui pleure, un petit bout de chou? C'est ma fille qui pleure, on l'a fait criant. Oh la pauvre, va la rassurer, va lui dire qu'il y a un iPad qui arrive à la maison. Ouais, je vais lui dire qu'on a gagné. Voilà, je vais lui dire que t'as gagné. Bisous, bisous Julie. Eh ben merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Ouais, bonne soirée Julie. Jules et Ghetto Phénomène, merci à vous tous, bonne soirée. Un gros big up à Ghetto Phénomène, à tout mon quartier, Saint-Germain-Pointant, à Fontvert, quartier nord, quartier sud, un gros big up à vous. Voilà, on dort pas et demain on reviendra encore plus fort et après demain encore plus fort. Freestyle qui arrive, voilà. Merci à vous tous, on va retrouver Diffoul maintenant et toute l'équipe de la Radio Libre. Et on est là. Salut Fredo, salut Jules. Ça va? Coucou. Ça va, ça va, ça va. Hello Marie, hello Samy. Salut Fredo, salut Jules. Et tout le monde d'ailleurs, parce qu'il y a du monde encore dans Rappel et Trappe. Ouais, j'ai vu, ouais, je suis passé devant. On a peut-être une surprise. Et ça sent bon. Il y a peut-être Jules qui vient nous voir ce soir, je crois, non? Ah ouais, ça serait cool. Ce soir? Ouais, ouais, ouais. Je le sens bien ce soir. Ah bah écoute, ce soir, là, faut rester. Jules, il a 5 minutes, il n'y a pas de match de Noël ce soir. Non, ça va. Tu peux y aller tranquille. Voilà, Jules, le Marseillais avec Dans ma paranoïa, le son que vous avez découvert sur Skyrock. Et l'album que vous découvrez peut-être dans Planète Rap, un album qui est sorti il y a un petit moment, mais que vous découvrez cette semaine avec des freestyles inédits, c'est la folie Planète Rap, Fredo. Exact. Exact. Bon, vous aimez Jules, restez bien dans le coin. Les Marseillais, les Marseillaises, restez bien dans le coin, on aura besoin de vous aussi. Et puis tous les autres, vous pouvez débarquer ici dès maintenant. C'est parti pour la Radio Libre. Dans un instant, c'est parti avec Major Lazer et Sean Paul. Et puis le rendez-vous demain, Fred. Oui, c'est juste avant 20h. Exactement, exact. Tu me l'enlèves de la bouche. Juste avant 20h pour Planète Rap. Ouais. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Puis on arrive dans une minute. Coup d'envoi.